aucun processus créatif pour te dire que je t'aime. Aucun processus créatif pour dire que tes seins me manquent. Aucun processus créatif pour avaler ma haine. Aucun processus créatif pour mourir entre tes dents. Aucun processus créatif pour te déshabiller. Aucun processus créatif pour sniffer tous tes pores. Aucun processus créatif pour me donner l'idée et te faire rire un peu et te faire chanter encore. Aucun processus créatif pour lécher ta voûte plantaire. Aucun processus créatif pour posséder ton âme. Aucun processus créatif pour t'avoir tout entière. Aucun processus créatif pour que tu sois ma femme. Sandra, reviens vers moi, Sandra, il me reste l'amour. Sandra, reviens vers moi, tu sais, j'illuminerai tes jours. Sandra, la vie est un boulet que l'on traîne à nos pieds.